l'esprit mental de gros son pour les nerveux. Un petit jeu, écoute. Esprit mental de FOX, encore une fois pour tous les gens de Fontenay, Sous-Bois et toutes les banlieues. Remets-toi-en, ça va faire mal, je fais comme un bande. Le kid, mais c'est quoi cette bête poilue, mon gars, aux dents acérées. Trop malin, trop rusé, tu peux pas le serrer. Le regard froid du genre qui voit le mal partout. Y'a un putain, cette crapule, ouais, il se bat avec tout. Il laisse rien, je te le dis, c'est un vrai salaud. Peu fréquentable, donc il préfère être en solo. C'est pas Watson, je te jure, il fait pas de cadeau. Voilà, pour vous faire collerie, prêt à te mettre la cermie. Franchement, ouais, c'est rare qu'on le voit par tête tard le soir dans les rues de Fontenay sous bois. Si t'as pas compris, mais réfléchis, cogite un peu, je pense que j'ai été précis. Esprit vandal de FOX, encore une fois pour tous les gens de Fontenay sous bois et toutes les banlieues. Remets-toi sans, ça va faire mal, je vais comme un bande. Le kid. Esprit vandal de FOX, encore une fois pour tous les gens de Fontenay sous bois et toutes les banlieues. Remets-toi sans, ça va faire mal, je vais comme un bande. Le kid. Mais c'est qui ce gros bouffon qui se prend pour roi du monde? Pour du pétrole, ouais, fait péter des pompes. Comme son daron à croire que c'est dans les gènes. Extermine des familles, des villages, sans que ça les gêne, c'est vrai. Son élection a été truquée. Si bâtard il est futé, il mérite de se faire buter. Ouais. Surtout après ce qu'il a fait, j'suis sûr que ça ferait sourire plus d'un de mes refrains. Indice, plus de tour depuis 2001. C'est passé à la télé, faut que tu trouves où t'es un teubé. Hey, trop longtemps qu'il était en place, fallait qu'il bouge. Racontait que de la merde maintenant. Ferme sa bouche, ok. Spécial pour Corso, SRI pour le quartier. Rouge, si t'es flingué, vas-y bouge, ouais. Spécial pour Corso, SRI pour le quartier. Rouge, si t'es flingué, vas-y bouge.